en juillet 2012 sur le jardin des Tuileries. Le jardin des Tuileries, vous le connaissez tous, hein, c'est en plein cœur de Paris. Je vous ai mis une petite indication des différents... Ah, ça y est, je recommence. Ah non, c'est bon, j'ai cru que c'était moi. Je vous ai mis un petit plan éclaté des sondages qui ont été très concentrés. En fait, ces sondages, ils avaient pour but de repérer un certain nombre de structures liées à l'aménagement même des Tuileries. Vous savez que les Tuileries, il y a une longue histoire, je vais l'évoquer de manière un peu générale et rapide. Et puis, il y avait aussi pas mal de questions sur le nôtre. Et comme vous l'avez compris, si vous étiez hier ou avant-hier, à la première intervention, une partie de mon travail va être aussi de qualifier tous ces sols et d'identifier la manière dont le site vit, évolue. Et aux Tuileries, on a quand même un très très gros problème si vous êtes allé vous y promener. C'est la question des sols, de la poussière, des arbres qui poussent mal, des arbres qui sont en mauvais état, un jardin qui est un peu comme une autoroute, un peu d'une certaine manière. Donc il fallait aussi comprendre un peu tout ça. Donc je n'avais pas pu l'évoquer avec vous, je vais essayer d'aller un peu vite, comme ça on pourra en parler à la fin. Donc des sondages qui paraissent tout petits au regard de la totalité de la grandeur du jardin, puisqu'il fait quand même 23 hectares. Et dans des conditions un peu particulières aussi, on était un peu en cage, ça c'est assez amusant, parce que c'est quand même 14 millions de personnes par an, hein, les Tuileries qui passent. Donc voilà, vous voyez la répartition des sondages, qui était concentrée essentiellement sur le bosquet nord-est, dont je vous parlerai plus en détail après, parce que c'est un bosquet qui arrivait vraiment en termes de végétation au bout, c'était quand même pas extraordinaire. Et du coup, on a choisi un transect pour au niveau de ce qu'on appelle les exèdres, pour essayer de comprendre comment le nôtre avait travaillé tout ça. Et puis également, quelques questions au niveau de l'octogone, du bassin de l'octogone, et puis de la rampe qui se trouve du côté de la Concorde. Hop, bah alors ça passe pas. Ah mais oui. Bah. Tant pis, je le fais comme ça. Non, ça passe toujours pas. C'est bloqué. Ah, ça y est. Alors, le jardin des Tuileries, il naît, on va dire, en 1564, au moment où Catherine de Médicis veut sortir un peu à l'extérieur. On a une récupération d'une ancienne maison qui est rachetée, et puis on est hors des fossés de la ville de Paris. Hein, et donc les Tuileries s'installent sur le bord de Seine, avec un jardin qu'on connaît à la fois bien et pas bien. On en a des descriptions assez multiples. Ici, c'est la réception des ambassadeurs de Pologne en 1574. Plutôt un jardin renaissance, d'inspiration italienne, avec des carreaux, avec beaucoup de parterres de broderies, enfin non, pas de broderies, de parterres armoriées. Vous avez ici des représentations, des berceaux de verdure, etc. J'insisterai pas. Mais c'est quand même intéressant de le voir parce qu'on va voir que le nôtre a dû se glisser là-dedans. On connaît le nôtre comme un grand restructurateur. On connaît le nôtre sur Vaux-le-Vicomte, Versailles, sur Chantilly, avec vraiment cette acculturation du paysage qui se trouve autour. Aux Tuileries, on est dans un phénomène un peu différent puisqu'il a fallu qu'il se glisse vraiment dans les pas des prédécesseurs. Et c'était une autre paire de manches et on va découvrir le nôtre un petit peu différent par rapport à ça. Le plan du jardin de Catherine de Médicis, ça c'est le plan du cerceau. Oui, il y a un plan très régulier qui se case en 1571. On construit les fossés jaunes qui vont border à nouveau Paris avec la création du faubourg Saint-Honoré qui se trouve ici, la porte Saint-Honoré qui est grosso modo par là. Et donc le jardin de Catherine va vraiment se glisser jusqu'au bout, jusqu'aux fortifications. Ici, on a la porte de la conférence qui va s'ouvrir. Et donc un jardin très régulier avec un certain nombre de petites habitations ici. Où se trouve peut-être déjà le père de Lenôtre. Il est possible, je vais vous montrer après la maison de Lenôtre, mais il est probable que les premières habitations se trouvent ici. Et puis ce plan qui n'a jamais été réalisé, le château des Tuileries, n'est qu'une longue, longue, longue suite, malheureusement, d'absence de construction ou d'échec ou d'impossibilité de continuer les choses. En 1552, en 1652, le plan de Gombouste nous donne une bonne idée de l'évolution qu'a eu ce lieu, avec les Tuileries dont on voit que le pavillon sur la partie nord n'a pas encore été construite, le jardin de Mademoiselle, toute la présence déjà des broderies. Ça, Boisseau de la Baroderie, à partir de 1624, met en place toutes les broderies de ce qui va être, préfigure en fait le grand parterre de Le Nôtre, et puis met en place toutes ces broderies ici. Et le bastion, vous voyez, qui se trouve ici, donc qui a été construit en 1571, a été récupéré par un certain Renard, qui est un courtisan, et qui est un grand collectionneur aussi, et qui va aménager avec Le Bouteux, qui est un des membres de la famille de Le Nôtre, un jardin assez extraordinaire. Ce jardin, il a la particularité, mais on va voir aussi pourquoi, d'être complètement détaché du palais des Tuileries. Il est entouré par un mur, on l'a vu précédemment. Vous voyez qu'en fait, ici, contrairement à l'esthétique 16e et 17e, il n'y a pas du tout de rapport, même presque de rapport visuel, entre le jardin et le palais des Tuileries. Donc ça, c'est assez curieux. Ça pourrait avoir une explication. Cette explication, c'est tout simplement qu'il se trouve en bord de Seine et qu'il est soumis régulièrement à des inondations assez fréquentes. On ne maîtrisait pas du tout le cours des eaux et ça, clairement, ça a été peut-être une des raisons pour laquelle ce jardin était entouré d'un mur relativement haut, hein, on peut l'estimer à peu près à 3 mètres de hauteur, percé d'ouvertures relativement petites par rapport à l'immensité du lieu, et avec quand même des présences de certaines structures ici, et puis là, un petit peu plus loin, les volières où habitait peut-être la famille Le Nôtre dès le départ. Pourquoi j'ai mis ça là ? Ah oui, justement pour vous parler des inondations, je vous ai parlé donc l'autre jour de la nécessité dans un jardin d'utiliser la micromorphologie et la pédologie pour pouvoir qualifier les terres. Moi j'ai coutume de dire que mes sondages, c'est toujours pas très joli. Les photos de fouilles de jardin, c'est quand même. Voilà, c'est un peu austère. Et l'élément qui a été déterminant, enfin un des éléments déterminants qui avait été complètement oublié par l'histoire, c'est une toute petite couche d'un millimètre qu'on a trouvé sur les recharges des allées, qui datent d'à peu près Henri IV, où on s'est dit que c'était une petite couche jaune qui n'était pas très uniforme. De temps en temps, une grosse concentration de limon, et puis de temps en temps, un truc un peu vide. Et en regardant en termes pédologiques ce que donnaient les résultats d'une inondation, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un dépôt assez important. Alors moi, ce qui est bien avec le jardin, ce que je vous ai expliqué aussi, c'est que c'est une matière où on peut vraiment partir dans tous les sens. Le jardin concentre tous les savoirs d'une certaine manière. Et quand l'archéologue ou l'historien d'art étudie le jardin, eh bien, il a vraiment la possibilité d'aller dans tous les domaines de recherche. Donc moi, je suis partie sur les cartes et les histoires des inondations de Paris, ce qui est assez passionnant, en fait, pour me rendre compte, par exemple, que le petit Louis XIII, vous savez, on a le carnet de son médecin qui, tous les jours, note ce qu'il fait. Et déjà, dans les années 15, 13, il est dit que le petit Louis XIII part en bateau dans les jardins des Tuileries, ce qui vous donne une idée, déjà, du problème des inondations. Ce qui explique aussi que la famille royale ne s'installe pas aux Tuileries, parce qu'en fait, le Louvre est beaucoup plus protégé en termes d'inondations que ne le sont les Tuileries. De fait, en 1658, on a la plus grosse inondation que la ville de Paris n'ait jamais connue, et on sait que la ville de Paris est inondée jusqu'au faubourg Saint-Denis, donc il y a vraiment une nappe d'eau absolument monstrueuse. Cette inondation a laissé cette petite couche jaune que l'on voit sur les jardins de Le Nôtre sur les jardins d'Henri IV, pardon, et donne un éclairage assez nouveau à la reprise et au grand dessin de Colbert. Je l'ai juste évoqué un tout petit peu l'autre jour. Classiquement, on retient que Colbert arrive en 1661 et que voulant retenir Louis XIV à Paris, eh bien, il essaye de. Avec l'aide du Bernin, etc. Enfin bon, il propose le grand dessin, c'est-à-dire le grand tracé entre les Tuileries et Saint-Germain-en-Laye, dont une partie sera réalisée, et la première base de départ de ce grand dessin étant le jardin des Tuileries. Donc on voyait dans cette modification des Tuileries qui va intervenir à partir des années 1664 une volonté politique, hein, essentiellement de dire retenons Louis XIV à Paris. Et puis, à la lumière de cette inondation, on peut lire différemment les archives. Et c'est vrai que lorsque l'on voit des devis de Levaux qui, pareil, dans les années 1660, dit pour reprendre les murs pourris des Tuileries, ça prend une autre lumière. C'est vrai qu'on peut dire les murs pourris, oui, voilà, c'est peut-être un petit peu dégradé, etc. Non, il y a sans doute eu un vrai pompage par les maçonneries de l'eau des inondations. On connaît tout ce qui a pu se passer en 1910 à Paris et la difficulté qu'on a eue à évacuer les eaux, les boues, etc. C'était très long. Et donc, il est probable, ayant moins de moyens à l'époque, que effectivement, ça a dû être encore plus long. Donc, il est probable que le jardin des Tuileries, à ce moment-là, soit assez abîmé, assez dégradé, et que donc, eh bien, il ait fallu le refaire entièrement, ou en tout cas le repenser, le restructurer. Donc, si le dessin de Colbert, c'était vraiment effectivement le fait de conserver Louis XIV à Paris, c'était peut-être aussi pour dire il faut que Louis XIV ait aussi un jardin royal. Alors ce jardin, il a aussi une particularité, c'est que c'est le seul jardin qui soit ouvert à Paris. Les Parisiens sont enfermés dans leurs murs, ils ont de temps en temps accès au jardin du Palais Royal, mais le seul jardin, entre guillemets, public de Paris, ce sont les Tuileries. Avec une particularité, les femmes doivent se tenir correctement et les hommes porter chapeau et épée. Quand même, il fallait une certaine tenue. Les laquais n'y rentraient pas non plus. Mais il y avait, on pense, moi j'évalue ça, je pense que c'est du temps d'Henri IV qu'on commence à ouvrir partiellement les jardins, et puis ensuite il y a une ouverture de plus en plus grande. Ces jardins, ils ont une vocation politique aussi, l'air de rien, ils sont très intéressants pour ça, et je pense que les bosquets conçus par le nôtre ont aussi cette vocation, à savoir qu'on y parle beaucoup. Pour avoir fait toute l'histoire des Tuileries après, eh bien, je me suis rendu compte que avant la Révolution, vous avez la mise en place de groupes à l'intérieur, de discussions, les premières discussions autour de la physiocratie, le rôle de la nature, etc. On voit des données dans les textes qui nous disent qu'il y a des discussions aux Tuileries, que les gens se réunissent, qu'il y a des débats. C'est très intéressant pour le roi de pouvoir disséminer à l'intérieur de ce jardin des gens qui écoutent et qui donc savent un petit peu ce qui se passe. C'est un jardin qui est politique aussi, puisque comme il est au regard de Versailles par la suite, comme il est ouvert au public, et en connexion complète, il n'y a pas de... Vous allez voir que le nôtre va faire sauter en fait, le mur qu'il y a entre les Tuileries et le jardin, et du coup, ça crée aussi une espèce d'excitation. Moi, je compare ça un peu quand vous allez à Monaco, vous attendez de voir le prince, la princesse et les petits jumeaux passer devant une fenêtre. C'est sans doute un peu ce qu'on attend aussi aux Tuileries, c'est ce contact du peuple avec la royauté. Donc c'est un jardin qui est aussi très symbolique par rapport à ça, et ce qui explique en partie que l'on cherche à l'inclure dès le départ dans un très très grand projet. Colbert, dont je vous parlais, je ne vais pas revenir dessus. Le nôtre, dont tout le monde connaît, ça c'est la peinture de Maratta. Et le nôtre qui naît, alors ça c'est sa maison qui est située, je vais vous le remontrer sur le plan de Gombouste. La maison de le nôtre, elle se trouve après à cet endroit-là. Voilà. Donc très curieusement dans le jardin, ça aussi c'est bizarre, imaginez la maison du jardinier. Et en plus, c'est pas du tout une maison majestueuse. Elle va se situer devant le pavillon de Marsan après, où il y a la salle des machines, un théâtre, quelque chose qui reçoit un public assez prestigieux. Et puis, sur certains plans, vous voyez qu'il y a le tas de fumier de le nôtre à côté. Ça, c'est très marrant. Le nôtre entretient avec les Tuileries une espèce de vraie relation. Ce qui expliquera peut-être aussi, en partie, son lien avec le roi. Enfin, bon, ça, on ne sait pas trop, mais voilà. Donc, la petite maison de le nôtre, vous voyez, avec son landerneau, eh bien, elle se trouve dans l'angle à un moment. Elle est complètement. Elle perturbe même l'axe. Là, on ne la voit pas sur le projet de Langlois, mais elle va perturber l'aménagement ici, à cet endroit-là. Le nôtre va proposer un certain nombre de choses, mais la difficulté qu'il va avoir, c'est de se mettre en fait dans les pas de Catherine de Médicis et d'Henri IV. Louis XIII est assez peu intervenu sur le jardin. Et donc, le grand pari qui va être fait, c'est notamment d'ouvrir toute la partie ouest du site sur la ville et sur ce grand dessin, puisqu'il y avait un grand axe qui sont les Champs-Élysées, hein, tout bêtement, et qui partait ensuite jusqu'à Saint-Germain. Celui qui a continué ce grand axe, c'est Mitterrand. C'est la pyramide du Louvre et puis l'Arche de la Défense. On est exactement dans la suite du dessin de Colbert, ce qui est assez drôle, symboliquement parlant. Voilà. Alors, avec une documentation, on parlait des sources avant-hier en disant « Mais pourquoi faire de l'archéologie dans des temps modernes puisqu'on a toutes les sources ?» Et justement, ben là, on a vraiment été confrontés à cette question des sources. Le jardin des Tuileries est un jardin hyper documenté. Vous imaginez bien qu'on a une somme d'archives absolument monstrueuses là-dessus et énormément de gravures, dont, je vais les passer, Sylvestre, Perel, etc., père, fils, petit-fils, avec des états, avec une difficulté réelle à estimer ce que signifient ces gravures. parce qu'une fois qu'on s'est plongé dans l'histoire des travaux, on se rend compte que, bah, par exemple, en 68, Israël Sylvestre montre déjà des États plantés. Et puis, lorsqu'on part sur des gravures bon, ça, je vous le montrerai après, du coup, des gravures un tout petit peu plus récentes, 70, 73, eh ben, c'est pas fait. Alors, se pose du coup le statut de ces gravures qui sont à la fois des projets, qui sont aussi des gravures qui étaient données par le roi aux ambassadeurs et aux gens qui passaient pour marquer le pouvoir royal. On a bien signifié que le jardin, c'est aussi un marqueur de pouvoir, hein, pour la royauté ou pour les seigneurs, d'ailleurs. Et donc, c'était d'une certaine manière une manière de montrer ce que l'on allait faire, et ce n'était pas forcément réalisé. Donc ça, c'était une difficulté pour travailler sur la question du chantier de Le Nôtre, pour dire mais quelles ont été vraiment les choses réalisées et à quelle époque. Et vous allez voir que j'ai contourné un petit peu ça. En termes d'archives de chantier, on a très peu de choses. On a les fameuses pierrées chères à Bruno, ou les rigoles, qui donc, en tout cas, un système hydraulique qui est modifié assez rapidement, mais dont on n'a pas connaissance encore aujourd'hui. On sait qu'il y a un aqueduc qui a été créé par Catherine de Médicis, qui amenait l'eau, mais il y a un vivier d'Henri IV qui est construit du temps d'Henri IV aussi, mais on a assez peu de connaissances. Il est question d'ailleurs de reprendre tout ça pour avoir une véritable idée du réseau hydraulique des Tuileries. La gageure que va avoir Le Nôtre par rapport à ça, c'est la difficulté. Il y a plusieurs difficultés. La première, c'est de ne jamais fermer le jardin. C'est un chantier qui va se faire en permanence avec la présence du public. Donc, toutes les images que l'on voit de Versailles avec des arbres arrachés, des choses comme ça, eh bien, il faut imaginer qu'on l'a eu aux Tuileries, mais avec un public qui rentrait en permanence. Et ça, en termes de sources, on a pu le trouver que grâce à ce que j'expliquais hier sur les big data, sur la possibilité aujourd'hui d'avoir accès à des sources bibliographiques ou des sources d'archives qui nous étaient parfaitement inconnues avant. On a trouvé des toutes petites choses. Par exemple, en 1672, vous avez Racine, en décembre, qui se promène dans les jardins du Tuileries parce qu'il aime bien déclamer ses tragédies avant qu'elles ne soient jouées. Et donc, il est 7h du matin et il explique qu'il clame, ça devait être quelque chose d'assez particulier, et il clame tellement qu'il ne se rend pas compte que le bassin de l'Octogone est devant lui, il tombe dedans. Et donc il dit, heureusement, il y avait un chantier avec des ouvriers qui sont venus me chercher. Voilà, ce genre de toute petite phrase, de tout petit détail, permet de confirmer cette présence du public. On a un certain nombre de petits témoignages comme ça. Présence du public, économie du chantier. C'est-à-dire que, de toute façon, Le Nôtre va vraiment être à l'identique de ce que sont les créateurs de jardins avant, il y a une économie tout simplement parce qu'on ne va pas aller chercher des terres à des kilomètres pour faire tout ça. Donc par exemple, en 1665, la glaise qui est sortie du quai de Seine qu'on est en train de réaménager va servir pour faire les corrois d'argile des bassins qui se trouvent dans le grand parterre. Même chose, 1666, alors je vous ai mis les dates, vous pouvez les lire, mais tous les jardins, tous les arbres qui se trouvent dans les jardins de Renard vont être enlevés puisque Le Nôtre prévoit d'installer ici son fer à cheval. Et donc le dit Renard est obligé de donner son jardin et tous les arbres qui vont s'y trouver vont être récupérés pour le futur projet. Ils vont être aussi allés chercher à Vaux-le-Vicomte, Versailles, au Louvre. Ils sont plantés en réserve ou, enfin, ils sont amenés en réserve, c'est-à-dire sans doute dans des pots, dans des bacs, mais aussi sous forme de rigoles que l'on creuse dans le jardin à l'intérieur des bosquets. Donc vous aviez les bosquets déjà définis, le plan déjà défini de Catherine de Médicis, à l'intérieur duquel on va faire des réserves pour planter les arbres en attendant de savoir les placer. Il y a une vraie, vraie stratégie de chantier. C'est-à-dire que vraiment, depuis le départ, on voit bien que Le Nôtre n'agit pas sur des coups de tête au fur et à mesure. Il a une vision globale du site et il va petit à petit modifier ce site en fonction de ce qu'il récupère à droite et à gauche. Il y a aussi de la terre qui est prélevée, c'est-à-dire que le jardin de Le Renard, c'est pareil, on va enlever toute la terre pour la remettre ailleurs. On achète des plantes, on va créer la pépinière du Roule qui se trouve un petit peu plus haut sur les Champs-Élysées pour pouvoir avoir des plantes disponibles. Et je n'aurai pas le temps d'en parler et de le développer, mais c'est très intéressant parce qu'on voit la vocation du jardinier se déplacer à ce moment-là. Le jardinier, par exemple, le père de Le Nôtre, est considéré comme un intervenant extérieur. Il peut répondre à un certain nombre d'appels d'offres à l'intérieur du jardin. Mais il est aussi officier, enfin il répond, il a acheté un office, et donc de fait certains travaux lui sont accordée. Donc il y a différents niveaux de pyramide qui sont qu'on a à la fois affaire avec les jardiniers à des entrepreneurs, à des cultivateurs qui vont avoir leur propre pépinière et qui vont vendre des plantes au roi pour le jardin. Ils vont aussi en louer. Tous les orangers, par exemple, sont loués parce que ce sont des arbres très fragiles et que le roi, ou enfin, en tout cas les bâtiments du roi, ne veulent pas prendre en charge l'entretien de tout ça. Donc ils sont chargés de l'entretien, mais ils restent possesseurs de ce chose-là. Donc on a différents niveaux de lecture du rôle de jardinier, avec une pyramide qui va se, je veux dire, trouver son pyramidion en haut, sous la forme de la personnalité de le nôtre, qui lui va devenir dessinateur de jardin et architecte. Donc avoir vraiment une vocation complète par rapport à cette structuration de la corporation des jardiniers de l'époque. Le vivier d'Henri IV est comblé en 67-68, l'allée centrale aussi est comblée comment ? Alors c'est là où, je suis désolée parce que alors, mes trucs ne sont pas terribles, mes patates, je vous montre une patate. Ça c'est un sondage qui a été fait, enfin il y a des sondages qui ont été faits dans le Bosquet Nord-Est. Et une chose qui est intéressante, ça intéressera Yvon Lafarge, j'aimerais bien avoir ses éclairages là-dessus, on a déjà un petit peu parlé. Mais c'est la découverte d'une énorme carrière à l'intérieur de ce bosquet. Alors vous voyez, ça c'est en coupe, et on voit le limon jaune de la Seine qui a été complètement découpé, sans plan de coupe, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'oxydation, hein, on a vraiment eu un enlèvement de terre. Et à l'intérieur de cette grande fosse, eh bien, on trouve à la fois des terres rapportées, mais aussi énormément de morceaux de plâtre peints. Exactement les mêmes que ceux qui vont la faire. Je vous ai montré avec des enduits rouges, c'est exactement ce qu'on retrouve à Marly. Donc ça, c'était étonnant. Pourquoi ce plâtre ? Qu'est-ce qui a pu se passer avec ce plâtre ? On voit ici une coupe où on voit donc les limons jaunes, et puis ces dépôts de calcaire de plâtre, un apport de terre, et ensuite les allées sablées de Le Nôtre. Donc on sait que ces carrières datent de Le Nôtre. Elles ont vraiment été... Voilà, on arrive à les dater. Et moi, là encore, j'ai essayé de travailler sur les contextes en me disant, mais d'où viennent ces morceaux ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec tous ces éléments-là ? Ce plâtre, je vais le retrouver partout dans les jardins. Je vais le retrouver, d'une part, pour combler les allées ou le vivier d'Henri IV. Je vais aussi le retrouver, je vais vous montrer après, pour créer une butte artificielle, invisible à l'œil, à l'intérieur du jardin. Je le retrouve en haut des fosses de plantation pour le piétinement, sans doute. C'est-à-dire que le jardin étant public, et on contournait les arbres à ce moment-là, il n'y avait pas de plate-bande qui... il y avait un contact direct avec les troncs, et donc on a du plâtre qui est mis autour des arbres. Et puis ça a aussi un rôle, notamment pour toutes les plantes à bulbes, c'est-à-dire quand vous aviez des grandes prairies fleuries, et on sait que Le Nôtre était friand de tout ça, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait des couches de litage de plâtre qui étaient posées à quelques centimètres en dessous du sol, et ce qui évitait aux bulbes de descendre, et ce qui permettait de les récolter entre deux saisons pour les diviser. Donc une vraie réflexion par rapport à ce plâtre. D'où ma question de savoir si ça avait pu être utilisé dans les jardins à Marly. D'où provient ce plâtre ? Je me suis aussi posé la question, parce qu'on sait qu'effectivement il y a une ouverture des carrières, celle de Montmartre étant la plus importante, mais c'est du gypse, c'est pas... Voilà, c'est... Donc là, les morceaux que j'avais, c'était des morceaux qui avaient déjà été utilisés. Et j'arrive relativement bien à dater cette carrière. Enfin, bon, j'ai fait un lien que peut-être vous contredirez, je ne sais pas. Mais en 1666, on a le grand incendie de Londres. Et suite à ça, en août 67, vous avez un édit royal français qui demande à ce que l'encorbellement des façades parisiennes soit supprimé et que les façades soient enduites de plâtre, tout simplement pour pouvoir résister éventuellement à un feu. On enlève les encorbellements pour que le feu ne se propage pas et on met des façades en plâtre. Et je me dis que c'est sans doute du pain béni par rapport à Le Nôtre, qui justement peut bénéficier de tous ces gravats, qui sont des gravats triés. Vraiment, on a là-dedans, j'ai retrouvé quelques fragments de calcaire, de petites colonnettes, de choses comme ça, mais c'est vraiment essentiellement du plâtre. Donc il y a une volonté de choix des matériaux, et sans doute, de toute façon, un matériel disponible. On sait qu'il y a des charrois qui arrivent régulièrement, grâce aux contes qui ont été étudiés par Guy Frey, on sait qu'il y a des charrois qui arrivent régulièrement à l'intérieur. Il est probable qu'on ait du coup mis en réserve ces plâtres-là dans le bosquet intérieur pour pouvoir aller ponctionner, comme on ponctionnait les arbres, et comme on va... Et quant à la terre qui est enlevée, il est possible aussi qu'elle ait été donnée aux potiers. Vous savez que le terme de tuilerie vient du fait qu'on avait des terres très argileuses qui pouvaient servir aux tuiliers. Et pareil, dans les traités de l'époque, j'ai retrouvé que c'est des limons qu'on utilisait plutôt pour les tuiles. Donc, on enlève les limons qui sont plutôt stériles et pas très utiles pour les jardins, et on les remplace par cette carrière de plâtre. Un intérêt aussi, et c'est là où c'est assez fascinant, et le rôle d'orfèvre de la terre de Lenôtre apparaît clairement là-dessus, c'est que d'abord, aujourd'hui, on ne marche plus du tout sur le jardin de Lenôtre. Je vous expliquerai pourquoi. Le jardin de Lenôtre, il est scellé aux Tuileries. Il est vraiment posé sous une couche de 20 cm à 1,50 m de remblai. Quand on regarde et quand on fait un profil sur ce fameux transecte nord-sud qu'on a étudié, eh bien on se rend compte qu'à ce niveau-là, donc la terrasse du bord de l'eau est ici, la Seine est là, et dans cet axe-là, Lenôtre a utilisé ces fameux plâtres pour faire une espèce de digue artificielle en profondeur. On ne la voyait pas du tout par rapport à ces niveaux. Mais selon mon analyse, il est très probable qu'en fait cette digue corresponde au niveau haut de l'arrivée d'eau éventuelle d'une crue de la Seine, et que donc c'est une espèce de système qui permettait éventuellement au jardin de réagir, enfin de ne pas être envahi par l'eau. Ça ne se voyait pas, c'était vraiment une toute petite butte. Aujourd'hui, on voit le jardin complètement plat, il ne l'est pas. Et à l'époque, on était sans doute sur ce même type de réflexion. Donc, un traitement des sols en profondeur qui montre une véritable intelligence du sol et de la compréhension de tout ce qui est hydrogéologie à l'époque. Voilà, ces fameuses couches de remblai, vous voyez, elles peuvent être elles s'étagent sur plusieurs niveaux. Elles sont à certains endroits, ça c'est la couche normale, Lenôtre va en mettre un petit peu partout pour réguler les niveaux. Et puis, à certains endroits, il va rajouter cette fameuse butte. Donc il faut que je trouve les niveaux de la crue de 1658 pour la comparer avec la hauteur maximum de cette butte, sachant que je pense ne pas trop me tromper, parce que quand il construit la terrasse de bord de l'eau, il va faire aussi toute une série de paliers qui vont vraiment empêcher l'eau de remonter si jamais l'incident devait à nouveau arriver. Après, sur la question des plantations, parce que ce qui était difficile, c'est que moi je voyais des fosses de plantation visiblement de Lenôtre, mais des fossés antérieure, c'était un peu difficile à comprendre. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que Lenôtre s'était complètement enchâssé à l'intérieur du tracé. C'est-à-dire qu'il reprend le tracé déjà établi, alors là, le bosquet nord-est est ici, il reprend le tracé déjà établi par Catherine de Médicis, il va en extérieur changer certaines plantes, d'où la présence de fosses de plantation, mais conserver les plus anciennes. Il va vraiment jouer sur ce double tableau. Je vais vous montrer un plan après. Et à l'intérieur, il va planter ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'on aura une reprise des extérieurs, on le voit aussi ici, et à l'intérieur, on va planter des petits arbres très serrés. Je vais vous montrer après. Alors, justement, ce qui était intéressant, c'était de mettre en comparaison ces différentes sources pour essayer de comprendre comment techniquement il avait pu faire. Moi, j'avais la vision de chantier, et je me suis dit, mais je vais reprendre les gravures. Et en fait, en faisant des zooms sur les gravures, en oubliant le reste, eh bien, on se rend compte qu'on arrive à reconstituer. Je vais vous montrer pour le fer à cheval, c'est un petit peu pareil. On arrive à reconstituer le chantier parce que, l'air de rien, les gens qui ont gravé ces vues aériennes ou enfin, cavalières du jardin, eh bien, ont pris en compte ces travaux. À un moment, ça a été pour eux une source d'inspiration. Donc, il ne faut pas s'en tenir à l'ensemble de la gravure qui, quelquefois, pique un peu les yeux en disant « mais ça, ça n'a pas été fait, ça, c'est inversé, il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais quand on focalise vraiment à chaque fois sur ces bosquets, eh bien, on se rend compte de cette réalité du chantier, des plantations et de quelque chose qui, petit à petit, devient d'une propreté royale, on va dire, hein, alors que c'était sans doute un peu cracra. Pour ce qui concerne le fer à cheval, vous voyez qu'en fait, on a des gravures en 1669 qui nous montrent un fer à cheval complètement dénué et de barrières ou de végétation. Ça, c'était une des questions aussi qu'avait le jardin, enfin le Louvre aujourd'hui par rapport à l'aménagement du site. On a aujourd'hui des barrières qui ne sont pas très, très esthétiques, qui ont été placées au 19e. La possibilité éventuelle ou la question qu'on se posait de replanter parce que certaines gravures comportaient des traces de plantation. Vous voyez par exemple ici sur celle-là, où on voyait qu'il y avait des bordures de buis et que l'ensemble des murs étaient recouverts de végétation. Et donc il y avait toute une question par rapport à ça. Une difficulté aussi qui était de dire, mais alors par rapport à l'ensemble des parterres de l'autre, comment soit s'organise. Quand on, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils informatiques puissants et de pouvoir superposer des cartes. En principe, comme ça, se disant que le jardin de Tuileries n'avait jamais perdu sa configuration, si ce n'est de Catherine de Médicis, du moins de le nôtre, eh bien, intellectuellement, les architectes et moi-même d'ailleurs, on s'est tous dit, bah, de toute façon, c'est assez simple, il suffit de prendre les plans, de les superposer, quitte à les tritouiller un petit peu. Puis on s'est rendu compte quand même qu'il fallait beaucoup tritouiller pour arriver vraiment à superposer. Et en définitive, ce qu'on sort, bah, c'est à la fois parlant et pas très parlant. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'ici, effectivement, une partie de l'ancien tracé de Catherine a été remplacée par les bassins, le rondeau et le grand parterre. Mais ici, la grande question dans le cadre d'une restauration, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on restaure ? Parce que est-ce qu'on prend du cerceau, si on superpose du cerceau langlois ? Oui, bon, bah, ça donne des trucs, mais est-ce qu'il y avait vraiment des arbres ici, des choses comme ça ? Là, pour le coup, l'archéologie était quasiment le seul élément de réponse, mais aussi peut-être une considération différente des sources. Et moi, par exemple, une des questions qu'on avait, c'était la trame de replantation. De dire, mais curieusement, cette trame, on a un plan de 1673-1680 qui est un plan quasiment parfait et qui nous montre un parterre avec une quantité d'arbres X et puis une statue au centre. Cette statue apparaît encore ici, mais disparaît après pour réapparaître ensuite. Chaque graveur avait donné son truc. Alors moi, je me suis amusée à reprendre à chaque fois les données, à compter les arbres, et puis à essayer d'avoir une vision un petit peu différente de la chose. Sachant que j'ai retrouvé aussi, au devant des arbres, des fosses de pose de ce qui est aussi le grand truc de le nôtre, à savoir ces palissades de bois tressé, enfin de bois en croisillon. Ça, c'est le grand truc de le nôtre, parce que c'est un truc de chantier. On voit la même chose à Versailles, le nôtre tranchait à l'intérieur du végétal et se retrouvait du coup face souvent à des troncs dénudés. Quand vous avez une forêt, si vous imaginez trancher à l'intérieur une grande allée, vous allez vous retrouver face à des trucs pas très esthétiques, quoi. C'est-à-dire une vue sur les sous-bois, quelque chose de pas terrible. Le nôtre, pour arriver à un résultat très rapide, eh bien, va utiliser quasiment systématiquement ces palissades en croisillon de bois qui vont lui permettre d'occulter la partie basse et ensuite de laisser pousser par-dessus de la végétation en attendant que derrière on puisse remplir. Donc c'était une situation, une solution assez immédiate et assez intéressante, et c'est exactement ce qu'il va mettre en place en fait dans le bosquet nord-est. Alors il fait un truc assez intelligent, il reprend l'extérieur de la partie Catherine de Médicis. Bon, très bien. Et à cet endroit-là, eh bien, lorsqu'il a des arbres trop abîmés, il les arrache, il les remplace. Il va conserver la largeur ici qui est de 3,20 m, donc 10 pieds, grosso modo. Et à cet endroit-là, il va à nouveau reprendre le tracé de Catherine, mais il va arracher et doubler, parce que pour le coup, là, les arbres devaient être un petit peu moins, les arbustes devaient être de moins bonne qualité. Et pour que l'on ne voit pas cette reprise complète, eh bien, il ferme son bosquet. Ce qui a aussi un intérêt, c'est que du coup, le public ne pouvait pas aller à l'intérieur. Et à l'intérieur, il va utiliser une trame différente qui est de 3,44 m. C'est-à-dire qu'entre chaque arbre qui est planté à chaque intersection, vous avez 3,44 m. C'est très, très dense. Pourquoi ? Bah parce que lui, je pense, avait envie tout de suite d'avoir une houppe, de pouvoir avoir des arbres qui tout de suite donnaient un effet. On est dans un jardin royal, on a les mêmes prérogatives et le même principe qui est mis à Versailles, sans doute à Marly. Marly, il y a eu des très grands arbres. Marly est connu pour avoir déposé, enfin, on a utilisé des très grands arbres, ce qui a été un scandale un peu à l'époque. Mais ici, le nôtre va réutiliser des arbres venus de Vaux-le-Vicomte, de Louvre ou du jardin de Renard pour combler les trous et arriver à avoir quelque chose d'assez conséquent. Garde la mesure de Catherine de Médicis en extérieur et fait la sienne propre à l'intérieur. Par contre, il triche. C'est-à-dire qu'un des grands problèmes des architectes, c'était de dire, mais cette statue qui se trouve au centre, elle peut nous servir d'élément de recomposition, mais on ne comprend pas parce qu'elle est au centre, mais elle n'est pas au centre. Et effectivement, elle n'est pas au centre de l'ancien bosquet de Catherine de Médicis. Par contre, elle est au centre de la nouvelle allée, de la nouvelle bordure de l'allée des Feuillants que le nôtre va faire ici. Donc, il trompe le regard aussi. Alors il faudrait le développer sur l'ensemble des bosquets, ça pour comprendre dans quelle mesure il oriente différemment le regard des visiteurs. Mais en tout cas, il y a un petit jeu. J'ai retrouvé la fosse de pose de cette statue, donc il faut que j'aille très très vite. Bon ben voilà, alors du coup, eh bien, on a retrouvé sur le fer à cheval effectivement des traces de fosses de plantation. une très vilaine image, et surtout des très grosses. Alors déjà, ce fer à cheval, il est monté en élévation, c'est-à-dire qu'il est monté au fur et à mesure, il n'y a pas de trou de boulin, il n'y a pas de choses comme ça. Il est monté au fur et à mesure de la maçonnerie et rempli pour le coup par des remblais vraiment de démolition, du fer, de la brique, des trucs absolument pas triés. Et à l'intérieur, une fois qu'on a remblayé, on fait ces énormes fosses. Pourquoi des énormes fosses ? Parce que, a priori, quand on voit, c'est des tout petits buis qui sont sur les côtés. Et là, on se rend compte aussi de la manière dont le nôtre a fait les choses, à savoir qu'il plante des petites espèces, vous voyez, juste quelque chose qui va marquer la bordure, et puis ensuite, il va faire évoluer tout ça. Et ça, on peut le suivre au gré des gravures. Vous voyez qu'ici, on a des espèces qui sont de plus en plus grosses, et sur le plan de 73-74, on voit même qu'il y a une alternance entre carré et rond, donc boule de buis, carré de buis. Et puis, si on continue, on se rend compte que, bah, pour finir, on va se retrouver face au grand art de Lenôtre, c'est-à-dire ces arbres qui ont été mis quelque part en réserve, qu'on fait grandir telle une pépinière sur le bord, on finit par les tailler en taupière. Donc vous voyez que ce n'est pas un jardin qui se fait d'un seul coup d'un seul, c'est un jardin avec un chantier qui est évolutif et une végétation évolutive. On a exactement les mêmes process pour les bordures qui se trouvent ici, où on voit qu'au départ on a des arbres qui, auxquels petit à petit on va donner des formes pyramidales, mais au départ ils sont tout à fait en plein truc. Donc je vais passer ça. Juste pour dire... Bon, j'ai retrouvé la terrasse du bord de l'eau, très bien, je vous la montre ici, pouf, pouf, pouf. Et petit juste 5 minutes sur la question de la restauration. Et en quoi l'historien peut être un vecteur d'avenir aussi ? En quoi les racines de l'historien peuvent aider à faire grimper l'arbre au-dessus. Les Tuileries, je vous ai dit, c'est un autoroute. Hein, c'est vraiment, vous avez ici, ça c'est le plan qu'on donne aux différents, c'est le plan de circulation qu'on donne aux différentes personnes. Aujourd'hui, on recueille les poubelles avec des petites camionnettes. Vous avez des restaurants, vous avez la fête à Neuneu qui s'installe sur la terrasse de Feuillon. Enfin bon, c'est quand même assez compliqué. Et on a un sol, curieusement. Moi, sur 23 hectares, j'ai retrouvé 3 vers de terre. Voilà, alors que normalement, je devrais en avoir à peu près 5000 par mètre cube, je crois, quelque chose comme ça. De différentes sortes, ceux qui aiment le dessus, ceux qui aiment le dessous, enfin bon, voilà. Rien, un terrain sec, en 2000, il a plu, je crois, 3 mois sans discontinuer, entre mars, avril, ou je ne sais plus quoi. Enfin bon, quand je suis arrivée en juillet, il y a enfin eu du soleil, ça c'était plutôt sympa. Le terrain était entièrement sec. Donc ça permettait déjà d'expliquer peut-être un problème phytosanitaire. Et en fait... Eh bien, si vous vous rappelez, dans les années 90, on a refait ce jardin. C'était une commande de Mitterrand. Il y a eu Cribier, Bénèche qui sont intervenus dessus. Et puis, le chantier leur a échappé. Et il leur a échappé dans quelle mesure ? C'est que, alors après, on plonge dans les racines récentes de l'histoire, mais c'est tout aussi croustillant. Il se trouve qu'il y avait un grand patron de construction d'autoroute qui était assez copain de Mitterrand et qui, du coup, a récupéré toute la pose des sols. Et lui, bah, il s'est dit, je fais des autoroutes, je vais faire les Tuileries, hein, pas grande différence. Donc, ah, pardon, je reviens en arrière. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a posé une couche de béton, en fait, hein, sur le jardin. Ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est du bidime, donc une couche assez épaisse de non tissé. Et puis, par-dessus, des couches de béton. Là, on a découvert des trucs. Très curieusement, les gens des Tuileries ne le savaient pas. Ils n'étaient pas allés plonger en dessous. Donc, ils ont découvert ça. Ils ont découvert, du coup, une terre qui est complètement asséchée, une eau qui est incapable de rentrer à l'intérieur. Et puis surtout, il s'était mis dans la tête un certain nombre de process, à savoir, chaque fois qu'on plante un arbre, il faut mettre 80% de pierre à l'intérieur de la fosse de plantation, 20% de terre. Mais ces pauvres arbres qui n'avaient déjà pas une goutte de flotte, on leur rajoutait tout ça. Et puis, ce qu'on a compris, nous aussi, c'est qu'en fait, il y a une donnée de l'histoire qui avait été oubliée et qui s'est rajoutée à la chose, c'est que quand on a démoli, vous savez que le bâtiment des Tuileries est brûlé en 1871-70, qu'il va rester en place un certain nombre de temps et qu'au bout d'un certain temps, on va le détruire. Mais les gravats, on a fait quoi ? On a soulevé le tapis et hop ! C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a refait une bonne partie des bosquets 19e des Tuileries et qu'on en a profité pour rajouter jusqu'à 1,50 m de gravats dans la terrasse des Tuileries. Donc aujourd'hui, on est sur un jardin qui est fossilisé, enfin le jardin de Lenôtre est fossilisé sous 20 cm à 1,50 m de gravats des Tuileries. Ce que, voilà. Et puis, en plus de ça, on va rajouter une structure d'autoroute par-dessus. Donc du coup, ben, l'archéologue, il a aussi son mot à dire dans la restauration, et on a trouvé toute une manière d'agir où, en fait, eh bien, du temps de Lenôtre, vous voyez que les arbres étaient sur les chemins et on avait des plates-bandes forestières au milieu. Eh bien, on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de garder l'esprit de Lenôtre et de créer les chemins là, et par contre, de créer des plates-bandes autour des arbres. On a décidé aussi de se remettre dans les fosses de plantation de Le Nôtre pour ne pas perturber trop archéologiquement le terrain et pour pouvoir aussi réinjecter de la vie. Ce bosquet, il est un peu à l'identique aujourd'hui de ce qui a été fait du temps de Le Nôtre, c'est-à-dire qu'on l'a fermé, hein, vous ne pouvez pas y accéder. Et on a réinjecté, on a enlevé à cet endroit-là tous les remblais qui ont été utilisés par, au moment de la destruction des Tuileries pour les mettre, pour les remplacer par de la bonne terre. Donc vous voyez que entre le chantier de Le Nôtre et aujourd'hui, on peut établir une correspondance et que c'est l'archéologie, l'histoire qui permet ça.